Bienvenue au Numide, un bar discret à la décoration chaleureuse. Sa spécialité, le couscous. Pas vraiment original dans le 11e arrondissement. Son secret est de moins en moins bien gardé, car le vendredi et samedi soir, le restaurant oublie son public d'hommes d'affaires pour un public jeune et un atout de poids. Le couscous y est offert. Mais ce n'est pas tout, un concert est aussi proposé. Depuis septembre 2005, l'achat d'une bière à 3€ ou de vin vous donnera droit à un couscous. Mais un couscous au rabais? Voilà ce que répond Jaffar, patron et créateur du Numide, il y a 5 ans. C'est le même couscous que je vends dans la semaine, donc à midi et le soir. C'est le même couscous que j'offre, donc les mêmes ingrédients, les mêmes légumes. Et le couscous à 9,50€, donc avec deux viandes, donc avec merguez et poulet. Mais alors, comment peut-on se permettre de donner ainsi un couscous à une quarantaine d'heureux élus chaque week-end, la Harissa en prime? Jaffar. J'essaye d'acheter un peu en gros, donc je paye un peu moins cher peut-être, donc j'ai des fournisseurs qui me font des prix. Mohamed, le cuisinier marocain, nous explique sa méthode pour confectionner ce couscous. On le roule, on la laisse 10 ou 5 minutes dans l'huile et les ingrédients et tout, et à la fin du compte, on le met dans la vapeur. On fait la sauce ensemble, à part, et à la fin, les pois chiches, c'est cuit à part, les gorgettes pareil. Voilà pour la nourriture, mais le charme du lieu provient également de ses concerts. Musique tzigane, ska, rock, tout y passe. Des petits concerts comme ça, ça permet aux petits groupes de se faire connaître. J'aime beaucoup la musique, donc ça me permet de découvrir de tout genre de musique, donc un peu du monde entier, quoi. Donc j'adore faire ça. Les gens s'éclatent, quoi. Ils dansent et ils accompagnent parfois les chanteurs, ils chantent avec eux et ainsi de suite. Ce soir, c'est de la musique nord-africaine au programme. Cela colle plutôt bien avec l'endroit. La Numidie était l'ancienne Tunisie sous l'Empire romain. Présentation du groupe. Le groupe, c'est mon nom, c'est Majid Diwan. Je fais de la chanson arabo-andalouse, kabyle, et de la création de chansons françaises. Couscous, musique, mais le public dans tout ça. Oui, ce sont des jeunes qui viennent principalement. Peut-être l'appel du gratuit, mais la priorité semble ailleurs. J'aime bien le couscous, mais c'est pas ma motivation principale pour venir ici. Le couscous du Numide, particulièrement. Très bien fourni, les légumes, la viande, la semoule. Très bon couscous, mais c'est pas la motivation principale. D'accord. C'est quand même la musique et l'ambiance qui me font venir ici. C'est faire la fête, c'est s'amuser, l'ambiance est bonne, les mecs, les patrons sont très sympas, donc ouais, y a rien à dire. C'est un pote qui m'a dit qu'il y avait un couscous gratos après la musique, et comme je suis un mélomane aussi confirmé qu'un mangeur de couscous confirmé, j'ai décidé de venir jusqu'ici. Disons que je digère assez bien la musique et que je digère assez bien le couscous, donc je suis venu vraiment pour les deux de manière égale. Après le premier apéro, voilà le début du concert et le couscous est déjà en ligne de mire. La table est mise par une toute jeune serveuse allemande. Le groupe s'est arrêté de jouer pour laisser la place à une musique d'ambiance tout aussi éclectique. Et là, un imposant couscous est servi à chaque table. Je pense qu'on va pas mal se régaler devant notre super couscous qui s'annonce plein de vitamines grâce aux légumes du couscous. Mais je crois que la viande ne devrait pas tarder. Les gens mangent et ceux qui ont fini peuvent se replonger dans l'écoute du groupe qui a repris son set. Et le couscous ne laisse pas indifférent. Verdict pour une première fois au Numide. C'est délicieux, franchement, c'est très copieux, c'est très coloré, c'est magnifique. Abondance de bonne nourriture, une musique entraînante et une ambiance de fin de soirée surchauffée qui vire parfois un désordre total avec tout le monde sur les tables. C'est chaque fin de semaine à 20h au Numide. Mais un conseil, soyez à l'heure.